L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, par Miguel Cervantes Saavedra, tome 1er, livre 4e, chapitre 28e, qui traite de la nouvelle et agréable aventure qu'eurent le curé et le barbier de la Sierra Morena. Heureux, trois fois heureux, furent les temps où vint au monde l'audacieux chevalier Don Quichotte de la Manche. En effet, parce qu'il prit l'honorable détermination de ressusciter l'ordre presque éteint et mort de la chevalerie errante, nous jouissons maintenant dans notre âge si nécessiteux de divertissement et de gaieté, non seulement des douceurs de son histoire véridique, mais encore des contes et des épisodes qu'elle renferme, non moins agréables, pour la plupart, non moins ingénieux et véritables que l'histoire elle-même. Celle-ci, poursuivant le fil peigné, retors et dévidé de son récit, raconte qu'au moment où le curé se disposait à consoler de son mieux Cardenio, une voix l'en empêcha, en frappant leurs oreilles de ses tristes accents. « Oh mon Dieu, disait cette voix, est-il possible qu'enfin j'aie trouvé un lieu qui puisse servir de sépulture cachée à ce corps dont je porte si fort contre mon gré la charge pesante? Oui, je le crois. À moins que la solitude que promettent ces montagnes ne vienne à me manquer aussi. Hélas, combien ces rochers et ces broussailles qui me laissent confier par mes plaintes mes malheurs au ciel, me tiendront une plus agréable compagnie que celle d'aucun homme de ce monde, car il n'en est aucun sur la terre de qui l'on puisse attendre un conseil dans les perplexités, un soulagement dans la tristesse, un remède dans les maux. » Ces tristes propos furent entendus par le curé et ceux qui se trouvaient avec lui, et comme il leur parut qu'on les avait prononcés tout près d'eux, ils se levèrent aussitôt pour chercher qui se plaignait de la sorte. Ils n'eurent pas fait 20 pas, qu'au détour d'un rocher, ils aperçurent, assis au pied d'un frêne, un jeune garçon, vêtu en paysan, dont ils ne purent voir alors le visage, parce qu'il l'inclinait en se baignant les pieds dans un ruisseau qui coulait en cet endroit. Ils étaient arrivés avec tant de silence que le jeune garçon ne les entendit point. Celui-ci, d'ailleurs, n'était attentif qu'à se laver les pieds, qu'il avait tels, qu'on aurait dit, de morceaux de blanc cristal de roche mêlés parmi les autres pierres du ruisseau. Tant de beauté et tant de blancheur les surprit étrangement, car ses pieds ne leur semblaient pas faits pour fouler des mottes de terre derrière une charrue et des bœufs, comme l'indiquaient les vêtements de l'inconnu. Voyant qu'il ne s'était pas fait entendre, le curé, qui marchait devant, fit signe aux deux autres de se blottir derrière des quartiers de roche qui se trouvaient là. Ils s'y cachèrent tous trois, épiant curieusement le jeune garçon. Celui-ci portait un mantelet à deux pans, serré autour des reins par une épaisse ceinture blanche. Il avait aussi de larges chausses en drap brun et sur la tête une montera de même étoffe. Ses chausses étaient retroussées jusqu'à la moitié des jambes qui semblaient assurément faites d'albâtre blanc. Quand il eut fini de laver ses beaux pieds, il prit pour se les essuyer un mouchoir sous sa montera et voulant soulever sa coiffure, il releva la tête. Alors ceux qui l'observaient eurent occasion de voir une beauté si incomparable que Cardenio dit à voix basse au curé « Puisque ce n'est pas Lucinde, ce n'est pas non plus une créature humaine. » Le jeune homme ôta sa montera, et secouant la tête d'un et d'autre côté, il fit tomber et déployer des cheveux dont ceux du soleil même devaient être jaloux. Alors nos trois curieux reconnurent que celui qu'ils avaient pris pour un paysan était une femme, jeune et délicate, la plus belle qu'eussent encore vu les yeux des deux amis de Don Quichotte, et même ceux de Cardenio, s'il n'eût pas connu Lucinde, car il affirma depuis que la seule beauté de Lucinde pouvait le disputer à celle-là. Ses longs et blancs cheveux non seulement lui couvrirent les épaules, mais la cachèrent tout entière sur leurs tresses épaisses, tellement que, de tout son corps, on n'apercevait plus que les pieds. Pour les démêler, elle n'employa d'autre peigne que les doigts de deux mains, tels que, si les pieds avaient paru dans l'eau des morceaux de cristal, les mains ressemblaient dans les cheveux à des flocons de neige. Tout cela redoublant l'admiration des trois spectateurs et leur désir de savoir qui elle était, ils résolurent enfin de se montrer. Mais au mouvement qu'ils firent en se levant, la belle jeune fille tourna la tête, et séparant avec ses deux mains les cheveux qui lui couvraient le visage, elle regarda d'où partait le bruit. Dès qu'elle eut aperçu ces trois hommes, elle se leva précipitamment, puis, sans prendre le temps de se chausser et de rassembler ses cheveux, elle saisit un petit paquet de hardes qui se trouvait près d'elle et se mit à fuir, pleine de trouble et d'effroi. Mais elle n'eut pas fait 4 pas, que ses pieds délicats ne pouvant souffrir les aspérités des rocailles, elle se laissa tomber par terre. À cette vue, les trois amis accoururent auprès d'elle et le curé, prenant le premier la parole, « Arrêtez-vous, madame, lui dit-il. Qui que vous soyez, sachez que nous n'avons d'autre intention que celle de vous servir. Ainsi, n'essayez pas vainement de prendre la fuite. Vos pieds ne sauraient vous le permettre, et nous ne pouvons nous-mêmes y consentir. » À ces propos, elle ne répondait mot, stupéfaite et confuse. Ils s'approchèrent, et le curé, la prenant par la main, continua de la sorte. « Ce que nous cachent vos habits, madame, vos cheveux nous l'ont découvert. Clairs indices que ce ne sont pas de faibles motifs qui ont travesti votre beauté sous ce déguisement indigne d'elle, et qui vous ont amené au fond de cette solitude, où nous sommes heureux de vous trouver, sinon pour donner un remède à vos maux, au moins pour vous offrir des conseils. Aucun mal, en effet, ne peut, tant que la vie dure, arriver à cette extrémité, que celui qui l'éprouve ne veuille pas même écouter l'avis qui lui est offert avec bonne intention. Ainsi donc, ma chère dame, ou mon cher monsieur, ou ce qu'il vous plaira d'être, remettez-vous de l'effroi que vous a causé notre vue, et comptez-nous votre bonne ou mauvaise fortune sur que nous tous ensemble, et en chacun de nous, vous trouverez qui vous aide à supporter vos malheurs en les partageant. » Pendant que le curé parlait ainsi, la belle travestie demeurait interdite et comme frappée d'un charme. Elle les regardait tour à tour, sans remuer les lèvres et sans dire une parole, semblable à un jeune paysan auquel on montre à l'improviste des choses rares et qu'il n'a jamais vues. Enfin, le curé, continuant ses propos affectueux, elle laissa échapper un profond soupir et rompit le silence. « Puisque la solitude de ces montagnes, dit-elle, n'a pu me cacher au regard, et que mes cheveux, en s'échappant, ne permettent plus à ma langue de mentir, en vain voudrais-je feindre à présent et dire ce qu'on ne croirait plus que par courtoisie. Cela posé, je dis, Seigneur, que je vous suis très obligé des offres de service que vous m'avez faites, et qu'elles m'ont mise dans l'obligation de vous satisfaire en tout ce que vous m'avez demandé. Je crains bien, à vrai dire, que la relation de mes infortunes, telle que je vous la ferai, ne vous cause autant de contrariété que de compassion, car vous ne trouverez ni remède pour les guérir, ni consolation pour en adoucir l'amertume. Mais néanmoins, pour que mon honneur ne soit pas compromis dans votre pensée, après que vous m'avez reconnue pour femme, que vous m'avez vue jeune, seule et dans cet équipage, toutes choses qui peuvent, ensemble ou séparément, détruire tout crédit d'honnêteté, je me décide à vous dire ce que j'aurais voulu qu'il me fût possible de taire. » Ce petit discours fut adressé tout d'une haleine par cette charmante fille aux trois amis, avec une voix si douce et tant d'aisance de langage, que la grâce de son esprit ne leur causa pas moins de surprise que sa beauté. Ils répétèrent leurs offres de service et lui firent de nouvelles instances pour qu'elle remplisse ses promesses. Elle alors, sans se faire prier davantage, après avoir décemment remis sa chaussure et relevé ses cheveux, prit pour siège une grosse pierre autour de laquelle s'assirent les trois auditeurs. Puis, se faisant violence pour retenir quelques larmes qui lui venaient aux yeux, d'une voix sonore et posée, elle commença ainsi l'histoire de sa vie. Dans cette Andalousie qui nous avoisine, est une petite ville dont un duc prend son titre et qui le met au rang de ceux qu'on appelle Grande Espagne. Ce duc a deux fils, l'aîné, héritier de ses états, l'est aussi, selon toute apparence, de ses belles qualités. Quant au cadet, je ne sais de quoi il est héritier, si ce n'est des ruses de Ganelon et des trahisons de Vélido. Mes parents sont vassaux de ce seigneur, humble de naissance, mais tellement pourvus de richesses, que si les biens de la nature eussent égalé pour eux ceux de la fortune, ils n'auraient pu rien désirer au-delà. Et moi, je n'aurais pas eu non plus à craindre de tomber dans la détresse où je me vois réduite, car tout mon malheur naît peut-être de ce qu'ils n'ont pas eu le bonheur de naître illustres. Il est vrai qu'ils ne sont pas d'extraction si basse qu'ils aient à rougir de leurs conditions. Mais elle n'est pas si haute non plus que je puisse m'ôter de la pensée que de leur humble naissance viennent toutes mes infortunes. Ils sont laboureurs, enfin, mais de sang pur, sans aucun mélange de races malsonnantes, et comme on dit, vieux chrétiens de vieilles roches, et si vieux en effet que leur richesse et leur somptueux train de vie leur acquièrent peu à peu le nom d'hidalgo et de gentilshommes. Cependant, la plus grande richesse et la plus grande noblesse dont ils se fissent gloire, c'était de m'avoir pour fille. Aussi, comme ils n'ont pas d'autres enfants pour hériter d'eux, et qu'ils m'ont toujours tendrement chéri, j'étais bien une des filles les plus doucement choyées que jamais choyèrent des parents. J'étais le miroir où ils se miraient, le bâton où s'appuyait leur vieillesse, le but unique où tendaient tous leurs désirs, qu'ils mesuraient sur la volonté du ciel et dont les miens, en retour de leur bonté, ne s'écartaient sur aucun point. Et de la même manière que j'étais maîtresse de leur cœur, je l'étais aussi de leur bien. C'est moi qui admettais ou congédiais les domestiques, et le compte de tout ce qui était semé ou récolté passait par mes mains. Les moulins d'huile, les pressoirs de vin, les troupeaux de grands et de petits bétails, les ruches d'abeilles, finalement tout ce que peut avoir un riche laboureur comme mon père, étaient remis à mes soins. J'étais la majordome et la dame, et j'en remplissais les fonctions avec tant de sollicitude et de plaisir que je ne saurais parvenir à vous l'exprimer. Les moments de la journée qui me restaient, après avoir donné les ordres au contremaître, au valet de ferme et au journalier, je les employais aux exercices permis et commandés à mon sexe, l'aiguille, le tambour à broder et le rouet, bien souvent. Si, pour me recréer, je laissais ces travaux, je me donnais le divertissement de lire quelques bons livres ou de jouer de la harpe, car l'expérience m'a fait voir que la musique repose les esprits fatigués et soulage du travail de l'intelligence. Voilà quelle était la vie que je menais dans la maison paternelle. Et si je voulais compter avec tant de détails, ce n'est point par ostentation pour vous faire entendre que je suis riche, mais pour que vous jugiez combien c'est sans ma faute que je suis tombé de cette heureuse situation au triste état où je me trouve à présent réduite. En vain, je passais ma vie au milieu de tant d'occupations, et dans une retraite si sévère qu'elle pourrait se comparer à celle d'un couvent, n'étant vu de personne, à ce que je m'imaginais, si ce n'est des gens de la maison, car les jours où j'allais à la messe, c'était de si grands matins, accompagné de ma mère et de mes femmes, si bien voilée d'ailleurs et si timide, qu'à peine mes yeux voyaient plus de terre que n'en foulaient mes pieds. Et néanmoins, les yeux de l'amour ou de l'oisiveté, pour mieux dire, plus perçants que ceux du lynx, me livrèrent aux poursuites de Don Fernand. C'est le nom du second fils de ce duc dont je vous ai parlé. À peine ce nom de Don Fernand fut-il sorti de la bouche de celle qui racontait son histoire, que Cardenio changea de visage, et se mit à frémir de tout son corps avec une si visible altération que le curé et le barbier, ayant jeté les yeux sur lui, craignirent qu'il ne fût pris de ces accès de folie, dont ils avaient ouï dire qu'il était de temps en temps attaqué. Mais Cardenio, pourtant, ne fit pas autre chose que de suer et trembler, sans bouger de place, et d'attacher fixement ses regards sur la belle paysanne, imaginant bien qui elle était. Celle-ci, sans prendre garde aux mouvements convulsifs de Cardenio, continua de la sorte son récit. Ses yeux ne m'eurent pas plutôt aperçu qu'il se sentit, comme il le dit ensuite, enflammé de ce violent amour dont il donna bientôt des preuves. Mais pour arriver plus vite au terme de l'histoire de mes malheurs, je veux passer sous silence les démarches que fit Don Fernand pour me déclarer ses désirs. Il suborna tous les gens de ma maison, il fit 1000 cadeaux et offrit 1000 faveurs à mes parents. Les jours étaient de perpétuelles fêtes dans la rue que j'habitais, et pendant la nuit, les sérénades ne laissaient dormir personne. Les billets en nombre infini qui, sans que je susse comment, parvenaient en mes mains, étaient remplis d'amoureux propos et contenaient moins de syllabes que de promesses et de serments. Tout cela, cependant, loin de m'attendrir, m'endurcissait, comme s'il eût été mon plus mortel ennemi, et que tous les efforts qu'il faisait pour me séduire, il les eût faits pour m'irriter. Ce n'est pas que je ne reconnusse tout le mérite personnel de Don Fernand et que je tinsse à outrage les soins qu'il me rendait. J'éprouvais, au contraire, je ne sais quel contentement à me voir estimé et chéri par un si noble cavalier, et je n'avais nul déplaisir à lire mes louanges dans ses lettres. Car il me semble qu'à nous autres femmes, quelques laides que nous soyons, il est toujours doux de nous entendre appeler jolies. Mais ce qui m'empêchait de fléchir, c'était le soin de mon honneur, c'était les continuels conseils que me donnaient mes parents, lesquels avaient bien facilement découvert l'intention de Don Fernand, qui ne se mettait point en peine que tout le monde l'a connu. Il me disait qu'en ma vertu seule reposait leur honneur et leur considération, que je n'avais qu'à mesurer la distance qui me séparait de Don Fernand pour reconnaître que ses vues, bien qu'il dît le contraire, se dirigeaient plutôt vers son plaisir que vers mon intérêt. Ils ajoutaient que si je voulais y mettre un obstacle et l'obliger à cesser ses offensantes poursuites, ils étaient prêts à me marier sur le champ avec qui je voudrais choisir, non seulement dans notre ville, mais dans celle des environs, puisqu'on pouvait tout espérer de leur grande fortune et de ma bonne renommée. Ces promesses et leurs avis, dont je sentais la justesse, fortifiait si bien ma résolution que jamais je ne voulus répondre à Don Fernand un mot qui pût lui montrer, même au loin, l'espérance de voir ses prétentions satisfaites. Toutes ces précautions de ma vigilance, qu'il prenait sans doute pour des dédains, durent enflammer davantage ses coupables désirs. C'est le seul nom que je puisse donner à l'amour qu'il me témoignait, car s'il eût été ce qu'il devait être, je n'aurais pas eu l'occasion de vous en parler à cette heure. Finalement, Don Fernand apprit que mes parents cherchaient à m'établir, afin de lui ôter l'espoir de me posséder, ou du moins que j'eusse plus de gardien pour me défendre. Cette nouvelle ou ce soupçon suffirent pour lui faire entreprendre ce que je vais vous raconter. Une nuit, j'étais seul dans mon appartement, sans autre compagnie que celle d'une femme de chambre, ayant eu soin de bien fermer les portes, dans la crainte que la moindre négligence ne mît mon honneur en péril. Tout à coup, sans pouvoir imaginer comment cela se fit, au milieu de tant de précautions, dans la solitude et le silence de ma retraite, tout à coup il parut devant moi. Cette vue me troubla de manière qu'elle m'ôta la lumière des yeux et la parole de la langue. Je ne pus pas même jeter des cris pour appeler au secours, et je crois qu'il ne m'aura pas laissé le temps de crier, car aussitôt il s'approcha de moi, et me prenant dans ses bras, puisque je n'avais pas la force de me défendre, tant j'étais troublé, il se mit à tenir de tels propos que je ne sais comment le mensonge peut être assez habile pour les arranger de manière à les faire croire des vérités. Le traître faisait d'ailleurs en sorte que les larmes donnassent crédit à ses paroles et les soupirs à ses intentions. Moi, pauvre enfant, seul parmi les miens, et sans expérience de semblable rencontre, je commençais, ne sachant comment, à tenir pour vrai toutes ces faussetés, non de façon cependant qu'elles me donnassent plus qu'une simple compassion pour ses soupirs et ses pleurs. Aussi, revenant un peu de ma première alarme, je retrouvai mes esprits éperdus, et je lui dis avec plus de courage que je n'avais cru pouvoir en conserver, « Si, comme je suis dans vos bras, Seigneur, j'étais entre les griffes d'un lion furieux, et qu'il fallut, pour m'en délivrer avec certitude, faire ou dire quelque chose au détriment de ma vertu, il ne me serait plus possible de le faire ou de le dire qu'il n'est possible que ce qui a été ne fût pas. Ainsi donc, si vous tenez mon corps enserré dans vos bras, moi, je tiens mon âme retenue par mes bons sentiments, qui sont aussi différents des vôtres que vous le verriez, s'il vous convenait d'user de violence pour les satisfaire. Je suis votre vassal, mais non votre esclave. La noblesse de votre sang ne vous donne pas le droit de mépriser, de déshonorer l'humilité du mien. Et je m'estime autant, moi, paysanne et vilaine, que vous, gentilhomme et seigneur. Vos forces n'ont aucune prise sur moi, ni vos richesses aucune influence. Vos paroles ne peuvent me tromper, ni vos soupirs et vos larmes m'attendrir. Mais si je voyais quelqu'une des choses que je viens d'énumérer dans celui que mes parents me donneraient pour époux, alors ma volonté se plierait à la sienne et lui serait vouée à jamais, de manière que même à contre-cœur, pourvu que mon honneur fût intact, je vous livrerais volontairement, Seigneur, ce que vous voulez maintenant m'arracher par la violence. C'est vous dire que jamais personne n'obtiendra de moi la moindre faveur qu'il ne soit mon légitime époux. S'il ne faut que cela pour te satisfaire, me répondit le déloyal chevalier, vois, charmante Dorothée, c'est le nom de l'infortuné qui vous parle, je t'offre ma main, et je jure d'être ton époux, prenant pour témoin de mon serment les cieux auxquels rien n'est caché, et cette sainte image de la Mère de Dieu que voilà devant nous. Au moment où Cardenio l'entendit se nommer Dorothée, il fut repris de ses mouvements convulsifs, et acheva de se confirmer dans la première opinion qu'il avait eue d'elle. Mais ne voulant pas interrompre l'histoire dont il prévoyait et savait presque la fin, il lui dit seulement « Quoi, madame, Dorothée, à votre nom? J'ai ouï parler d'une personne qui le portait, et dont les malheurs vont de pair avec les vôtres. Mais continuez votre récit. Un temps viendra où je vous dirai des choses qui ne vous causeront pas moins d'étonnement que de pitié. » À ces propos de Cardenio, Dorothée jeta les yeux sur lui, considéra son étrange et misérable accoutrement, puis le pria, s'il savait quelque chose qui la concerna, de le dire aussitôt. « Tout ce que la fortune m'a laissé, ajouta-t-elle, c'est le courage de souffrir et de résister à quelques désastres qui m'atteignent, bien assuré qu'il n'en ait aucun dont mon infortune puisse s'accroître. « Je n'aurais pas perdu un instant, madame, à vous dire ce que je pense, répondit Cardenio, si j'étais sûr de ne pas me tromper dans mes suppositions. Mais l'occasion de les dire n'est pas venue, et il ne vous importe nullement encore de les connaître. « Comme il vous plaira, reprit Dorothée, je reviens à mon histoire. » Don Fernand, saisissant une image de la Vierge, qui se trouvait dans ma chambre, la plaça devant nous pour témoin de nos fiançailles, et m'engagea, sous les serments les plus solennels et les plus formidables, sa parole d'être mon mari. Cependant, avant qu'il achevât de les prononcer, je lui dis qu'il prit bien garde à ce qu'il allait faire, qu'il considéra le courroux que son père ne manquerait pas de ressentir en le voyant épouser une paysanne, sa vassale, qu'il ne se laissa point aveugler par la beauté que je pouvais avoir, puisqu'il n'y trouverait pas une excuse suffisante de sa faute, et que si son amour le portait à me vouloir quelque bien, il laissa plutôt mon sort se modeler sur ma naissance, car jamais des unions si disproportionnées ne réussissent, et le bonheur qu'elles donnent au commencement n'est pas de longue durée. Je lui exposai toutes ces raisons que vous venez d'entendre, et bien d'autres encore dont je ne me souviens plus. Mais elles ne purent l'empêcher de poursuivre son dessein, de la même manière que celui qui emprunte, pensant ne pas payer, ne regarde guère aux conditions du contrat. Dans ce moment, je fis à part moi un rapide discours et je me dis à moi-même « Non, je ne serai pas la première que le mariage élève du noble à une haute condition. Et Don Fernand ne sera pas le premier auquel les charmes de la beauté, ou plutôt une aveugle passion, aient fait prendre une compagne disproportionnée à la grandeur de sa naissance. Puisque je ne veux ni changer le monde, ni faire de nouveaux usages, j'aurai raison de saisir cet honneur que m'offre la fortune, car dû l'affection qu'il me témoigne ne pas durer au-delà de l'accomplissement de ses désirs, enfin je serai son épouse devant Dieu. Au contraire, si je veux l'éloigner par mes dédains et mes rigueurs, je le vois en un tel état, qu'oubliant toute espèce de devoir, il usera de violence, et je resterai non seulement sans honneur, mais sans excuse de la faute que pourra me reprocher quiconque, ne saura pas combien j'en suis exempt. Quelle raison aurait en effet le pouvoir de persuader mes parents et aux autres que ce chevalier est entré dans ma chambre sans mon consentement ? Toutes ces demandes et ces réponses, mon imagination se les fit en un instant. Mais ce qui commença surtout à m'ébranler et à me pousser, sans que je le susse, à ma perdition, ce furent les serments et les imprécations de Don Fernand, les témoins qu'il invoquait, les larmes qu'il répondait en abondance, et finalement les charmes de sa bonne mine qui, soutenus par tant de témoignages de véritable amour, auraient pu vaincre tout autre cœur, aussi libre, aussi sage que le mien. J'appelai la fille qui me servait pour qu'elle se joignît sur la terre aux témoins invoqués dans le ciel. Don Fernand renouvela et confirma ses premiers serments. Il prit de nouveau saint un témoin. Il se donna mille malédictions s'il ne remplissait point sa promesse. Ses yeux se mouillèrent encore de larmes, sa bouche s'enflamma de soupirs, il me serra davantage entre ses bras, dont je n'avais pu me dégager un seul instant. Enfin, quand ma servante eut de nouveau quitté l'appartement, il mit le comble à mon déshonneur et à sa trahison. Le jour qui succéda à la nuit de ma perte ne venait point, à ce que je crois, aussi vite que le souhaitait Don Fernand. Car, après avoir assouvi un désir criminel, il n'en est pas de plus vif que celui de s'éloigner des lieux où on l'a satisfait. C'est du moins ce que je pensais quand je vis Don Fernand mettre tant de hâte à partir. Cette même servante qui l'avait amené jusqu'en ma chambre le conduisit hors de la maison avant que le jour parût. Quand il me fit ses adieux, il me répéta, quoique avec moins d'empressement et d'ardeur qu'à son arrivée, que je fusse tranquille sur sa foi, que je crusse ses serments aussi valables que sincères. Et pour donner plus de poids à ses paroles, il tira de son doigt un riche anneau qu'il mit au mien. Enfin, il me quitta, et moi, je restai. Je ne sais trop si ce fut triste ou gai. Ce que je puis dire, c'est que je demeurai confuse et rêveuse, et presque hors de moi d'un tel événement, sans avoir le courage ou même la pensée de gronder ma fille de compagnie pour la trahison qu'elle avait commise en cachant Don Fernand dans ma propre chambre. Car je ne pouvais encore décider si ce qui venait de m'arriver était un bien ou un mal. J'avais dit à Don Fernand, au moment de son départ, qu'il pourrait employer la même voie pour me visiter d'autres nuits secrètement, puisque j'étais à lui, jusqu'à ce qu'il lui convienne de publier notre mariage. Mais il ne revint plus. Si ce n'est la nuit suivante, et je ne pus plus le voir, ni dans la rue, ni à l'église, pendant tout un mois que je me fatiguais vainement à le chercher, bien que je susse qu'il n'avait pas quitté la ville, et qu'il se livrait la plupart du temps à l'exercice de la chasse, qu'il aimait avec passion. Je sais, hélas, combien ces jours me parurent longs, et ces heures amères. Je sais que je commençais à douter de sa bonne foi, et même à cesser d'y croire. Je sais aussi que ma servante entendit alors les reproches que je ne lui avais pas faits auparavant pour me plaindre de son audace. Je sais enfin qu'il fallut me faire violence pour retenir mes pleurs et composer mon visage, afin de ne pas obliger mes parents à me demander le sujet de mon affliction, et de ne pas être obligé moi-même de recourir avec eux aux mensonges. Mais cet état forcé dura peu. Le moment vint bientôt où je perdis toute patience, où je foulai aux pieds toute considération et toute retenue, où je fis enfin éclater mon courroux au grand jour. Ce fut lorsqu'au bout de quelque temps, on répandit chez nous la nouvelle que dans une ville voisine, Don Fernand s'était marié avec une jeune personne d'une beauté merveilleuse et de noble famille, mais pas assez riche néanmoins pour avoir pu prétendre avec sa seule dot à si haute union. On disait qu'elle se nommait Lucinde, et l'on racontait aussi des choses étranges arrivées pendant la cérémonie des fiançailles. Quand il entendit le nom de Lucinde, Cardenio ne fit autre chose que de plier les épaules, froncer le sourcil, se mordre les lèvres, et laisser bientôt couler sur ses joues de ruisseaux de larmes. Dorothée n'interrompit point pour cela le fil de son histoire, et continua de la sorte. Cette triste nouvelle arriva promptement jusqu'à moi. Mais au lieu de se glacer en l'apprenant, mon cœur s'enflamma d'une telle rage qu'il s'en fallut peu que je ne sortisse de la maison et ne parcourusse à grands cris les rues de la ville pour publier l'infâme trahison dont j'étais victime. Mais cette fureur se calma par la pensée qui me vint d'un projet que je mis en œuvre dès la nuit suivante. Je m'habillai de ces vêtements que me donna un domestique de mon père, de ceux qu'on appelle zagal chez les laboureurs, auxquels j'avais découvert toute ma funeste aventure et que j'avais prié de m'accompagner jusqu'à la ville où j'espérais rencontrer mon ennemi. Ce zagal, après m'avoir fait des remontrances sur l'audace et l'inconvenance de ma résolution, m'y voyant bien déterminé, s'offrit, comme il le dit, à me tenir compagnie jusqu'au bout du monde. Aussitôt j'enfermai dans un sac de toile un habillement de femme, ainsi que de l'argent et des bijoux pour me servir au besoin, et dans le silence de la nuit, sans rien dire de mon départ à ma perfide servante, je quittai la maison, accompagné du zagal, et assailli de mille pensées confuses. Je pris à pied le chemin de la ville, mais le désir d'arriver me donnait des ailes, afin de pouvoir, sinon empêcher ce que je croyais achever sans retour, au moins demander à Don Fernand de quel front il en avait agi de la sorte. J'arrivai en 2 jours et demi au but de mon voyage, et tout en entrant dans la ville, je m'informai de la maison des parents de Lucinde. Le premier auquel j'adressai cette question me répondit plus que je n'aurais voulu en apprendre. Il m'indiqua leur maison et me raconta tout ce qui s'était passé aux fiançailles de leur fille, chose tellement publique dans la ville qu'elle faisait la matière de tous les entretiens et de tous les caquets. Il me dit que la nuit où fut célébré le mariage de Don Fernand avec Lucinde, celle-ci, après avoir prononcé le oui de le prendre pour époux, avait été saisie d'un long évanouissement et que son époux, l'ayant voulu délasser pour lui donner de l'air, trouva un billet écrit de la main même de Lucinde où elle déclarait qu'elle ne pouvait être l'épouse de Don Fernand parce qu'elle était celle de Cardenio, un noble cavalier de la même ville, à ce que me dit cet homme, et que si elle avait donné à Don Fernand le oui conjugal, c'était pour ne point désobéir à ses parents. Enfin, ce billet faisait entendre, dans le reste de son contenu, qu'elle avait pris la résolution de se tuer à la fin de la cérémonie des épousailles, et donnait les raisons qui l'obligeaient à sauter la vie. Cette intention était, dit-on, clairement confirmée d'ailleurs par un poignard qu'on trouva caché sous ses habits de noces. À cette vue, Don Fernand, se croyant joué et outragé par Lucinde, se jeta sur elle avant qu'elle fût revenue de son évanouissement et voulut la percer de ce même poignard qu'on avait trouvé dans son sein, ce qu'il aurait fait si les parents et les assistants ne l'eussent retenu. On ajoute que Don Fernand sortit aussitôt et que Lucinde ne revint à elle que le lendemain, qu'alors elle conta à ses parents comment elle était la véritable épouse de ce Cardenio dont je viens de parler. J'appris encore, d'après les bruits qui couraient, que Cardenio s'était trouvé présent aux fiançailles et que voyant sa maîtresse mariée, ce qu'il n'avait jamais cru possible, il avait quitté la ville en désespéré après avoir écrit une lettre où, se plaignant de l'affront que Lucinde lui faisait, il annonçait qu'on ne le verrait plus. Tout cela était de notoriété publique dans la ville et l'on n'y parlait pas d'autre chose. Mais on parla bien davantage encore quand on sut que Lucinde avait disparu de la maison de son père et même de la ville car on l'y chercha vainement. Et ses malheureux parents en perdaient l'esprit, ne sachant quel moyen prendre pour la retrouver. Toutes ces nouvelles ranimèrent un peu mes espérances, et je me crus plus heureuse de n'avoir pas trouvé Don Fernand que de l'avoir trouvé marié. Il me semblait en effet que mon malheur n'était pas encore sans remède, et je m'efforçais de me persuader que peut-être le ciel avait mis cet obstacle imprévu au second mariage pour lui rappeler les engagements pris au premier, pour le faire réfléchir à ce qu'il était chrétien, et plus intéressé au salut de son âme qu'à toutes les considérations humaines. Je roulais toutes ces pensées dans ma tête, me consolant sans sujet de consolation et rêvant de lointaines espérances pour soutenir une vie que j'ai prise en haine à présent. Tandis que je parcourais la ville sans savoir que résoudre, puisque je n'avais pas rencontré Don Fernand, j'entendis le crieur public annoncer dans les rues une grande récompense pour qui me trouverait, donnant le signalement de mon âge, de ma taille, des habits dont j'étais vêtu. j'entendis également rapporter, comme un oui-dire, que le valet qui m'accompagnait m'avait enlevé de la maison paternelle. Ce nouveau coup m'alla jusqu'à l'âme. Je vis avec désespoir à quel degré de flétrissure était tombée ma réputation, puisqu'il ne suffisait pas que je l'eusse perdue par ma fuite, et qu'on me donnait pour complice un être civil et si indigne de fixer mes pensées. Aussitôt que j'entendis publier ce ban, je quittai la ville, suivi de mon domestique, qui commençait à montrer quelque hésitation dans la fidélité à toute épreuve qu'il m'avait promise. La même nuit, dans la crainte d'être découvert, nous pénétrâmes jusqu'au plus profond de ces montagnes. Mais comme on dit, un malheur en appelle un autre, et la fin d'une infortune est d'ordinaire le commencement d'une plus grande. C'est ce qui m'arriva. Car dès que mon bon serviteur, jusque-là si sûr et si fidèle, se vit seul avec moi dans ce désert, poussé de sa perversité plutôt que de mes attraits, il voulut saisir l'occasion que semblait lui offrir notre solitude absolue. Sans respect pour moi et sans crainte de Dieu, il osa me tenir d'insolents discours, et voyant avec quel juste mépris je repoussais ses impudentes propositions, il cessa les prières dont il l'avait d'abord essayé, et se mit en devoir d'employer la violence. Mais le ciel, juste et secourable, qui manque rarement d'accorder son regard et son aide aux bonnes intentions, favorisa si bien les miennes que malgré l'insuffisance de mes forces, je le fis, sans grande peine, rouler dans un précipice où je laissais mort ou vif. Aussitôt, et plus rapidement que ma fatigue et mon effroi ne semblaient le permettre, je m'enfonçai dans ces montagnes sans autre dessein que de m'y cacher et d'échapper à mes parents ou à ceux qu'ils enverraient à ma poursuite. Il y a de cela je ne sais combien de mois. Je rencontrai presque aussitôt un gardien de troupeau qui me prit pour berger et m'emmena dans un hameau au cœur de la montagne. Je l'ai servi depuis ce temps, faisant en sorte d'être au champ tout le jour, pour cacher ses cheveux qui viennent, bien à mon insu, de me découvrir. Mais toute mon adresse et toute ma sollicitude furent vaines à la fin. Mon maître vint à s'apercevoir que je n'étais pas homme, et ressentit les mêmes désirs coupables que mon valet. Comme la fortune ne donne pas toujours la ressource à côté du danger, qui est donné si innocemment sujet à la malignité de la poursuivre et de la déchirer.